Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107FM. Nous sommes le mardi 1er février 2022, c'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je ne serai pas tout seul car j'aurai un co-animateur exceptionnellement aujourd'hui, donc Gomidas. Donc déjà bonjour Gomidas. Bonjour Chris. Comment ça va ? Très bien, merci, c'est un honneur d'être avec vous. Avec plaisir. Et du coup, on reçoit également du coup, par téléphone notre invité, donc Monsieur Guy Rodoux, qui est là pour nous parler de tout ce qu'il fait, notamment de la fondation Abbé Pierre, etc., etc. Donc bonjour Monsieur Guy Rodoux. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va ? Ouais, ça va très bien. Parfait. Merci beaucoup. Donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter, on va dire, à tour de rôle, donc Gomidas et Monsieur Guy Rodoux, en quelques mots ? Déjà, alors, moi d'abord, peut-être, oui. Enfin, voilà. je dis ça parce que vous me regardez. Alors, et parce que, du coup, ça permet... Alors, moi, écoutez, j'ai le plaisir depuis presque 30 ans d'avoir un show grâce à Alain Vanzo, le ténor Alain Vanzo, qui consiste à peindre en chantant. Voilà, mm-hmm. Donc... Je fais ça avec beaucoup de plaisir. J'ai eu le plaisir de faire ça chez vous aussi à la radio il y a 3 ans à peu près. C'était en début d'année. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, Monsieur Guy Rodoux, est-ce que vous pouvez vous présenter pareil en quelques mots ? En quelques mots, oui. Voilà, moi, je m'appelle Cyril Guy Rodoux et donc je réside à Marseille et j'interviens dans le champ un petit peu de l'insertion par le logement. Voilà, aussi une bonne trentaine d'années. D'accord, donc on va en parler du coup tout au long de cette émission. Donc du coup, vu que c'est une émission un petit peu particulière, vu que pour une fois j'ai un co-animateur avec moi, on se partagera du coup les questions, voilà, ça, comme une discussion entre nous trois jusqu'à 15h pendant une heure. Voilà, et donc du coup, pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, Monsieur Guy Rodoux, donc Cyril, je vous appelle par votre prénom, oui. Oui, bien sûr. Voilà. Donc pour en être là, vous en êtes aujourd'hui, Cyril. Quel a été votre parcours personnel, votre parcours scolaire pour venir à travailler dans l'insertion concernant la précarité ? Alors, mon parcours scolaire, on va dire, c'est un parcours assez classique et qui s'est poursuivi après le bac à l'université où j'ai fait des études de sociologie. Donc j'ai obtenu une maîtrise de sociologie, ce qui est maintenant s'appelle Master 1. Mmh. Et ensuite, je me suis mis à travailler. Alors, d'abord dans le commerce de détail, mais c'était par opportunité. Et ensuite, très vite, dans le domaine du logement, de l'habitat. Avec une association de locataires de consommateurs qui s'appelle la CLCV, mmh. qui est connue. L'action collective sur les charges, les fruits, de l'entretien des cités, la mise en place du tri sélectif des déchets ménagers dans l'habitat collectif. Posait un peu plus de problèmes que dans l'habitat individuel. Ça, c'était dans les années 90. Et ensuite, quand je suis arrivé à Marseille, j'ai travaillé en bureau d'études pour accompagner des opérations de relogement, des grandes opérations de travaux, de réaménagement de quartiers, souvent de quartiers d'habitat social. Et là, moi, j'intervenais avec mon bureau d'études sur la partie sociale, accompagnement des locataires, dans les travaux, dans les demandes de financement, enfin, tout. Et depuis une dizaine d'années maintenant, je travaille dans une association à Marseille qui s'appelle Agir Ensemble pour le logement en Uvonne. Uvonne étant un fleuve qui traverse Marseille. Et donc dans la partie est de Marseille. Et là, je travaille avec la Fondation Abbé Pierre, vraiment auprès de personnes en situation de précarité par rapport au logement. Donc ça veut dire des personnes qui sont en situation d'expulsion domiciliaire ou dans le cadre d'habitat indigne ou qui ont vraiment des difficultés d'accès au logement. D'accord. Donc la sociologie, voilà. Pour nos auditrices et auditeurs, du coup, c'est l'étude des relations, actions et représentations sociales par lesquelles se constituent les sociétés. Voilà. Oui. Du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie à la base de travailler, de faire des études dans ce domaine et du coup de rejoindre la Fondation L'Abbé Pierre ? Alors, c'est un parcours, hein, là. Donc, alors, honnêtement, vous dire pourquoi j'ai choisi la sociologie, à l'époque, en tout cas, je n'en savais trop rien. Hein, souvent, on se dit, bon, ben, je suis intéressé un petit peu par les phénomènes, voilà, un petit peu de société, phénomènes de comportement humain et comment ça s'organise. Mais je le dis maintenant avec ces mots-là, à l'époque, quand j'ai eu le bac, je pense que je n'étais pas forcément en capacité. D'ailleurs, j'avais choisi un cursus en géographie. D'accord. Mais je me suis aperçu que la géographie, il y a vraiment le côté géographie humaine et géographie physique, où là, c'est vraiment à base vraiment de la science dure, presque, hein. Il y a un côté science humaine, science dure. Et c'est dans ces premiers temps où j'ai fait de la géographie que je me suis aperçu que vraiment, j'accrochais plutôt avec le côté science humaine, géographie humaine. Et c'est à ce moment-là que je me suis orienté vers la sociologie. Et voilà, parce que j'avais un intérêt, je pense, à considérer un petit peu le monde dans lequel j'évoluais, et que je me suis dit que c'est en le comprenant, en essayant de le comprendre un peu mieux, que je pourrais y trouver ma façon d'agir, en gros. D'accord. Ok. Donc, pour donner un petit peu le contexte du pourquoi, du comment de cette émission, du coup, à nos auditrices et auditeurs, donc du coup, c'est vous, Gomidas, qui nous avez mis, qui nous a mis en contact, qui nous vous avez mis, un, deux, trois, c'est vous, Gomidas, qui nous avez mis en contact, du coup, Oui. avec Monsieur Giraudoux, c'est vous qui m'avez contacté. Et Oui. donc, comment vous vous êtes connus tous les deux? Alors on s'est connus à Marseille déjà. Je suis marseillais, enfin je suis en Haute-Saône depuis 4 ans, D'accord. mais on a eu l'occasion comme ça de entre le milieu artistique et le milieu social de se rencontrer. J'étais épaté par la personnalité, parce que c'est une vocation hein, de Bien faire sûr. ça, la personnalité de M. Giraudoux, et le côté gentleman avec lequel il le fait, et ce qui permet de désamorcer les tensions. Hein. Je pense que pour les personnes qu'il a en face dans ses relations de travail, enfin de fonction en tout cas, ça doit être très agréable parce que c'est quelqu'un de très souple, qui ne fait pas du tout, qui dramatise pas, mais qui résout rapidement les situations. Ça, c'est déjà très très bien. Et puis, ce qui m'a fait sourire aussi, c'est que y a un lien entre Monsieur Giraudoux et puis Saint-Étienne-lès-Remiremont. Eh oui. Il va vous en parler. Voilà, donc Monsieur Giraudoux, donc Cyril, est-ce que vous pouvez nous parler de ce lien du coup qui vous lie à Saint-Étienne-lès-Remiremont et au Grand Est? Ah, ah ben c'est un lien très proche, puisque ce n'est ni plus ni moins que le lieu de naissance de ma mère, Saint-Étienne-lès-Remiremont, et un peu plus loin, alors ma grand-mère aussi était des Vosges, mais elle était née à Jarménil. Bien sûr. Et ensuite, elle avait avec son mari un café à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Si je me souviens bien, ça s'appelait le café d'Omergue. D'accord. Bah, je ne sais pas où il était situé exactement, par contre. Et voilà. Et c'est là que ma mère est née, au début des années 40. Voilà. Bon, elle a quitté les Vosges jeune, hein, puisque à l'âge de 7 ans, pour s'établir à Montpellier, là où je suis né, moi. Mais effectivement, voilà, il y a ce lien là avec les Vosges, encore un peu de famille, et moi j'ai passé quelques étés dans les Vosges, précisément à Saulxures-sur-Moselotte. Bien sûr. Il y avait une maison familiale à l'époque, je ne sais pas si elle existe toujours, mais voilà, j'ai passé, je pense, 3-4 étés au début des années 80. D'accord. Donc oui, Saulxures-sur-Moselotte, qui est un très joli coin d'ailleurs. Donc est-ce que ça vous arrive Oui. encore aujourd'hui, du coup, de retourner dans le Grand Est et dans les Vosges le plus précisément? Alors non, ça fait vraiment longtemps. Je pourrais. Je dirais que ça fait une vingtaine d'années que j'y suis pas retourné. D'accord. La dernière fois, j'essaye de réfléchir. Parce que mais c'est ça à peu près, puisque mon fils a 26 ans, il était assez petit la dernière fois où on y est allé. Donc non, là maintenant j'ai perdu le fil avec le Grand Est et les Vosges en particulier, parce que c'est surtout les Vosges. Mais je sais que ma mère y est retournée avec mon frère il y a 2 ans. Donc bon, voilà, il n'est pas exclu qu'on y retourne encore une fois pour garder ce lien, parce que je pense que pour ma mère, c'est important, même si elle ne se voit plus maintenant remonter, elle est trop âgée et elle dit qu'elle aurait du mal à se réadapter au climat, surtout. Mais pendant longtemps, elle nourrissait un petit peu l'espoir de remonter. D'accord. Oui, parce que maintenant, du coup, comme vous l'avez dit en introduction, vous habitez à Marseille, du coup. Et donc, ouais, c'est assez éloigné du Grand Est, on va pas se mentir. Voilà. Oui. Et donc, du coup, concernant la fondation l'Abbé Pierre, on va en parler un petit peu. Quels sont, parce que comme vous l'avez dit, vous travaillez pour l'insertion par la précarité, etc. Donc, quelles sont les actions menées par la fondation l'Abbé Pierre ? Alors, juste une précision, moi je travaille avec la Fondation Abbé Pierre, mais je suis pas salarié de la Fondation Abbé Pierre. D'accord. Je travaille dans une association donc de Marseille, et dont voilà, la Fondation finance en fait des associations pour intervenir dans le champ du logement. Alors en gros, bon, la Fondation Abbé Pierre, qui est une fondation au niveau national, hein, que bon, on connaît bien. En fait, intervient sur ce champ du logement par différents biais. En gros, on a vraiment l'action sur le logement indigne, notamment par le financement de travaux, des subventions, le financement d'associations qui vont aider techniquement à réhabiliter les logements et à accompagner soit des locataires, soit des propriétaires en difficulté au niveau des revenus, en situation de précarité. On a pas mal hein, de propriétaires qui sont en situation de précarité, qui n'ont plus les moyens d'entretenir leurs biens. Ensuite, la Fondation Abbé Pierre, elle va aussi financer la production de logements très social, et notamment pour construire des logements accessibles ou des systèmes comme les pensions de famille, des choses comme ça. Et également, il y a des boutiques solidarité, donc ce sont des accueils de jour, là, qui sont destinés aux personnes en grande difficulté, et notamment sans-abri. Donc c'est un lieu de ressources, hein, où on peut prendre petit déjeuner, douche, renseignement, etc. D'accord. Ensuite, il y a une dimension d'interpellation, de sensibilisation. Donc on connaît tous normalement les grandes campagnes que font régulièrement la Fondation Abbé Pierre pour sensibiliser justement au phénomène du mal logement. Il y a aussi le rapport du mal logement hein, qui est devenu maintenant quand même un moment essentiel dans la thématique du logement. Donc vraiment ce rapport du mal logement qui est produit chaque année, qui est une somme vraiment conséquente et très érudite hein, sur le phénomène du logement en France. Et puis il y a le conseil, l'accompagnement, et c'est là-dedans que je me situe moi en fait, hein, c'est-à-dire que c'est accompagner les ménages dans leur démarche voilà, liée au logement, et notamment pour leur permettre d'accéder aux droits. Tout à l'heure, Gouminas disait que j'avais des solutions et tout, bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais et même souvent, on a des difficultés à trouver vraiment la solution. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir justement, à un moment donné, amener cette dimension d'écoute et d'accompagnement. Et on va essayer de trouver une solution, oui, on va la trouver, on va pas la trouver, mais en tout cas, on va chercher ensemble, et il y a déjà cette réponse-là, en tout cas, qui est faite. Après, on travaille voilà, avec un réseau d'avocats, notamment, d'autres associations, pour essayer de regrouper un petit peu toutes les compétences autour d'une situation. C'est souvent des situations qui sont complexes. Bien sûr, j'imagine. Oui. Et donc, du coup, on profite également de cette émission pour saluer du coup la mémoire de l'Abbé Pierre qui nous a quittés en 2007. Voilà, donc grâce qui a joué un grand rôle pour justement les personnes en précarité, etc. Donc avant de poursuivre cette émission, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans un premier son, dans un premier de vos morceaux, Gomidas, et que nous écoutions pour commencer, Ami, méfiez-vous. Voilà, donc on écoute ce morceau, on en parle juste après, et on se retrouve du coup d'ici un peu plus de 4 minutes 30, donc à tout de suite sur Radio Gemozo, après Gomidas et son titre, Ami, méfiez-vous. Ami, méfiez-vous vraiment du temps qui passe, le plus grand ennemi qui jamais ne se lasse. Goûtez et profitez vraiment du temps présent, voilà le vrai cadeau, le plus haut des présents. Ami, où est le temps de la folle jeunesse, de nos jeunes printemps, de la folle allégresse, de nos amours multiplement sans conséquence, variant chaque jour, quelle douce inconstance. Que ce soit dans un lit, sur l'herbe, dans un poêle, qu'importe le moment, ou bien dans un fourré. À 20 ans, bien souvent, on est le roi du monde, nous demandons souvent si la terre est bien ronde. Ami, méfiez-vous vraiment du temps qui passe, le plus grand ennemi qui jamais ne se lasse. Goûtez et profitez vraiment du temps présent, voilà le vrai cadeau, le plus haut des présents. De chambres en salon et des amours lointaines, on arrive étonné déjà dans la trentaine, d'aventures en triomphe jamais lassées, mains souvenirs déjà chers au passé. Nous transperçons le temps, telles des flèches fugaces, de souvenirs heureux, additionnant leur place. De routes en chemin, de maintes aventures, nous façonne le cœur en laissant des blessures. Ami, méfiez-vous vraiment du temps qui passe, le plus grand ennemi qui jamais ne se lasse. Goûtez et profitez vraiment du temps présent, voilà le vrai cadeau, le plus beau des présents. Et puis voici les jours des amours incertaines, doutant de l'avenir et c'est la quarantaine, où l'on croit encore maîtriser le désir. Dans les plus forts moments, il ne faut pas faiblir. On additionne encore, bien sûr, les rencontres, et qu'importe le nombre, les accords, les contres. Le principal alors est de pouvoir durer. Nombreuses les blessures, il faut les endurer. Ami, méfiez-vous vraiment du temps qui passe, le plus grand ennemi qui jamais ne se lasse. Goûtez et profitez vraiment du temps présent, voilà le vrai cadeau, le plus haut des présents. Et la vie se poursuit déjà à la cinquantaine, apogée du chemin et de la prétentaine. Il arrive parfois qu'elle tressaille le cœur, pour une jeune beauté, voilà la rancœur. 20 ans contre 50, douce la folie, beauté éclatante attise nos envies. Grand bonheur passager, formidable destin, mais d'autres prédateurs, oui, s'invitent au festin. Ami, méfiez-vous vraiment du temps qui passe, le plus grand ennemi qui jamais ne se lasse. Goûtez et profitez vraiment du temps présent, voilà le vrai cadeau, le plus beau des présents. Et voici la curée peu après la nuit, car la jeune beauté déserte votre lit. Il reste peu de temps maintenant pour séduire, aussi les prétentions, il faudra les réduire. La vieillesse nous guette, il faut l'avouer, que l'amour dans ce temps difficile à trouver. Et là, heureusement, les nombreux souvenirs renforcent nos esprits de mort en devenir. Il faut nous souhaiter une fin presque heureuse, la grande faucheuse pour dernier amoureux. Et Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Gomidas avec son titre Ami, méfiez-vous. Et nous sommes toujours en compagnie pour cette édition un petit peu particulière de Fréquence Libre de Gomidas dans nos locaux, co-animateur de cette émission aujourd'hui, et de Cyril Guiraudou au téléphone, qui est du coup notre invité. Ça va toujours ? Ça va très bien, toujours. Pareil pour... Parfait, oui. Nickel. Je voulais dire un petit mot sur la personne qui a écrit, donc Michel Moquet, qui a écrit le texte de cette chanson. C'était un monsieur qui est décédé malheureusement à 80 ans. Il était en forme et il y a un an de la Covid. Il était vacciné, mais bon, il s'est retrouvé dans un milieu hospitalier, puis il a contracté le virus. Il avait un multiple talent, il avait beaucoup d'humour aussi, c'est un gars très très bien, une personnalité. Il avait un multiple talent, il était aussi peintre, il est provençal, un gars de Normandie, mais qui était depuis plusieurs décennies à Marseille. Voilà, donc c'était un petit hommage à ce poète et peintre. Voilà, donc on salue du coup sa mémoire, donc à Michel Moquet. Donc du coup, c'est lui qui a écrit le texte, mais c'est vous qui chantez Gomidas. Et moi qui ai écrit la musique aussi, oui. Voilà, et donc du coup, comme on en parlait du coup avant cette pause musicale avec Cyril, du coup, donc vient en aide aux gens dans la précarité, etc. Donc est-ce que du coup aussi Gomidas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, la cause des personnes malheureusement un peu dans... Ben oui, on est content de voir des gens comme Monsieur Guiraudou qui s'occupe de... On a tous, quand on est enfant, le fantasme de pouvoir être Zorro, de pouvoir tout faire. On peut pas faire grand-chose. Heureusement qu'on rencontre des gens merveilleux qui œuvrent pour la bonne cause. Bien sûr. Pour les bonnes causes, parce qu'il y en a plein. Bien sûr. Et donc, du coup, je me retourne, du coup, enfin... Façon de parler vers Cyril, du coup, j'imagine que c'est quand même assez gratifiant, du coup, de voir, même si c'est peut-être pas forcément ce que vous recherchez en priorité, mais que c'est quand même assez gratifiant de voir tous les sourires que vous faites naître, sur les visages des personnes que vous aidez. Oui, alors, bon, voilà, c'est non, je t'ai plus, hein, je vous remercie, mais c'est pas, effectivement, c'est pas ce qu'on recherchait, heureusement d'ailleurs, parce que j'allais dire on laisse là, moi je suis ravi, c'est vrai que avec Gomidas, bon ben voilà, ça a bien coulé, mais des fois les situations en fait sont si compliquées, sont si difficiles que l'idée c'est pas voilà, moi je me sens pas du tout comme un Zorro. C'est pas mon but, c'est-à-dire qu'à un moment, je veux être. Et je suis pas tout seul, hein, puisqu'on est quand même plusieurs à intervenir dans ce genre de dispositif. On veut être juste à un moment, un point où les gens vont pouvoir être écoutés, vont pouvoir essayer de faire, de reprendre un petit peu la main. Parce que souvent, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, on est dans une situation, on est emporté par une situation qui nous dépasse, parfois dans une logique aussi de confrontation avec soit des administrations, soit avec des propriétaires, soit avec des sociétés qui sont dans une logique vraiment de domination. Voilà, et les éléments comme par exemple en plus la dématérialisation, hein, on a de moins en moins d'interlocuteurs physiques. Hein, ce sont des éléments en fait qui nous dépossèdent en fait du pouvoir d'agir. Et l'idée c'est de pouvoir reconstituer ça. Alors ça passe effectivement par une forme d'empathie, bien sûr, d'écoute et puis des compétences. Voilà, on regroupe des compétences le but c'est d'accéder à nos droits. Donc, d'accord, donc du coup, j'imagine que cette notion d'empathie, tout ça, ça vous est venu peut-être... est-ce que vous aviez déjà ça avant de faire vos études en sociologie, ou est-ce que c'est venu que justement après vos études? Je pense que c'est un peu des deux, c'est difficile à dire, hein, ce qui... mais en tout cas, je pense qu'il y a toujours un petit côté... qui est lié à notre caractère. Bien sûr. J'ai construit mon parcours professionnel avec des compétences qui me sont propres, donc qui est lié lié vraiment à mon caractère. Et puis, après, j'ai construit ça. Et effectivement, les études et l'expérience m'ont permis, à un moment, de me forger cette posture-là, ces compétences-là, et de réfléchir aussi sur la manière dont on peut intervenir. Par exemple, je pense que la question de rechercher la gratification quelque part. On en parlait tout à l'heure, c'est gratifiant, effectivement, quelqu'un qui est satisfait, c'est gratifiant. Voilà. Bon, mais ça, à un moment, je veux dire, moi, j'ai suffisamment de recul pour savoir que maintenant, c'est pas ça du tout mon boulot, c'est pas du tout ce que je recherche. Parce que les gens que je reçois, que j'accompagne, il ne faut pas que je les instrumentalise, ils ne sont pas là pour me faire plaisir. Bien sûr. Donc la gratification, je vais la trouver autre part. La gratification, je vais la retrouver auprès de mes collègues, je vais la trouver auprès de partenaires, je vais la trouver dans ce que je fais, dans une analyse un petit peu plus large que la simple situation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a réussi à faire, ou parfois les décisions de justice qu'on arrive à obtenir. Voilà, collectivement, mais en tout cas, c'est une gratification. C'est là que je vais chercher ma gratification. D'accord. Et également, du coup, là, juste en même temps, sur le site internet de la Fondation Abbé Pierre, donc c'est fondation-abbé-pierre.fr, je vois qu'il y a quelque chose que j'avoue, je ne connaissais pas. On dirait que c'est un acronyme SOLIFAP. Qu'est-ce que ce mot, qu'est-ce que cet acronyme? Alors après, moi. Je connais pas tout de la Fondation Abbé Pierre, hein, en fait. C'est un partenaire, mais voilà, SOLIFAP, par exemple, je peux pas l'expliquer complètement, mais en gros, c'est un fonds qui est destiné à financer un petit peu des actions précises dans le terme du développement. Donc c'est ça, SOLIFAP. Je crois que après, voilà, c'est vraiment axé, c'est un instrument financier, voilà, si on peut plus précisément. D'accord, donc une sorte de société d'investissement solidaire. Voilà, qui va permettre, en fait, c'est comme un outil financier qui va permettre à la fondation de gérer des investissements et de les faire dans effectivement le cœur d'activité, le cœur de cible de la Fondation Abbé Pierre, c'est-à-dire l'insertion par le logement, donc la production du logement social. On va reprendre un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Sauf que là, ça va être vraiment ciblé, je pense, sur ce qu'on peut appeler du dur, c'est-à-dire la production ou la réhabilitation de logements, qui sont vraiment là, qui nécessitent beaucoup de fonds, en général. D'accord. Et donc, du coup, comme vous l'avez dit, donc, du coup, à l'Abbé Pierre, vous ne travaillez pas à l'Abbé Pierre, mais vous travaillez dans une autre association. Vous pouvez peut-être nous rappeler le nom de votre association? Oui, alors je travaille dans deux associations à Marseille, mais essentiellement une qui s'appelle Agir Ensemble pour le logement à Nuvonne, donc qui est une association qui est née dans les quartiers, plus précisément dans le 11e arrondissement de Marseille, donc c'est les quartiers Est, et qui est née dans le milieu des années 90 à l'initiative notamment de la Fondation Abbé Pierre, d'une communauté Emmaüs. Dans le 11e arrondissement, il y a une communauté Emmaüs et de deux centres sociaux du secteur, voilà, qui dans les années 90 se sont dit, bon, il y a de plus en plus de difficultés au niveau du logement, on crée une association pour accompagner, recueillir les problèmes, essayer d'intervenir sur ce champ. Et au fur et à mesure, voilà, l'association a un peu grandi, elle s'est professionnalisée. Et moi, j'ai été embauché par cette association en 2011. D'accord. Donc il y a un peu plus de 10 ans. Voilà, on est une petite équipe, hein, on est 5 salariés dans cette association. Voilà, et on intervient plus précisément dans l'accompagnement social, mais mes collègues sont travailleurs sociaux et interviennent sur voilà, des dispositifs d'accompagnement sociaux qui sont financés par le conseil départemental plus. Et on a une action de sous-location où on gère quelques logements pour les sous-louer à un jeune public qui sort de l'aide sociale à l'enfance. Donc des publics voilà, où en général c'est difficile pour eux de pouvoir louer en direct, en général parce qu'il y a un manque de revenus, ou il n'y a pas de garant, donc c'est difficile d'accéder au parc privé et au parc social. Donc en fait on sert un petit peu de tremplin, de passerelle, de tremplin. D'accord, donc du coup l'association donc c'est AELH si je prends les initiales. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et donc, pour la majorité des familles, quelle est la problématique, on va dire, la plus importante ? Alors, la plus importante, là, on va vraiment être sur un contexte marseillais. Oui, d'accord. Parce que c'est un contexte qui est spécifique, c'est un contexte qui est très tendu. Donc, après l'Île-de-France, hein, je pense qu'à Marseille, c'est le secteur un des plus tendus. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment l'accès à un logement décent, voilà, qui est vraiment la problématique principale. Après, ça prend plusieurs formes, hein, mais c'est l'accès et le maintien, en fait, dans un logement décent. Donc, en fait, en gros, à Marseille, vous avez peu d'offres de logements décents et énormément de demandes. En plus, pour ajouter à ça, une population qui est beaucoup précarisé, avec notamment dans le 3e arrondissement qui est considéré comme un des quartiers les plus pauvres d'Europe. D'accord, oui. Avec un taux de ménages qui sont en dessous du seuil de pauvreté qui est assez important. Du coup, on a, et en même temps, voilà, je rajoute en fait après, une production de logement social qui est largement insuffisante, et qui est très mal réparti dans la commune de Marseille, donc entre les différents arrondissements. Donc vous avez des arrondissements, notamment les fameux quartiers nord, hein, donc les arrondissements du nord de Marseille, qui sont très très pourvus en logements sociaux, avec des grandes cités qui pour beaucoup connaissent de gros problèmes d'insécurité, notamment liés au trafic de drogue. Mmh. Donc avec des vrais phénomènes voilà, d'exclusion. Et d'autres arrondissements qui n'ont pas beaucoup de logements sociaux et souvent des logements sociaux qui sont assez chers, presque proches en tout cas des loyers du secteur privé. Donc tout cela fait que vous avez beaucoup de ménages qui n'arrivent pas à accéder à un logement digne, en fait. Donc, soit qui sont dans des logements très dégradés, soit qui sont dans des logements beaucoup trop petits pour la taille du ménage, soit dans des logements qui sont trop chers pour eux et qui se retrouvent en situation d'expulsion parce qu'ils n'arrivent pas à payer le loyer. D'accord. Du coup, avant de poursuivre, je vous propose de nous lancer dans une deuxième fréquence musicale, dans un deuxième de vos morceaux, Gomidas, et que nous écoutions, avant de poursuivre cette émission, votre titre intitulé Les mots. Voilà, donc on écoute ce morceau, donc c'est la musique c'est de vous, et puis le texte c'est d'un certain Maurice Arnoux. Maurice Arnoux, c'est ça, un Marseillais octogénaire aussi, ouais. D'accord. Bah du coup, on écoute Gomidas du coup avec son morceau Les mots, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc voilà, donc à tout de suite sur Radio Guémozon. Le bon, le faux, le pire, les espoirs, les idées, les mots qui se bousculent pour expliquer trop vite, font que l'on gesticule sans donner une suite. Les mots rares sentis marquent les circonstances d'un rapport, d'un récit, sans ajout, sans souffrance. Les mots durs, ceux qui blessent, même s'ils sont bons mots, expriment sécheresse, quelquefois en faux. Agréablement, laisse les gens d'extase. classique promesse à venir, se donne si pratique quand on sait le désir. Dans les conversations, sans le dérisoire, c'est mon son des millions. Les mots que les enfants apprennent dans la vie, les courbes carrément, sont des mots de répit, car les mots des adultes parlant à demi-mot, souvent des mots d'insultes, sont rancœurs et ragots. Dans le jeu de l'amour, aux femmes qu'on espère passionner un jour. Enfin, les mots candides, même bêtes et naïfs, s'ils paraissent stupides, sont le vrai sourire. Tous ces mots dont se servent les jeunes, les anciens, avec beaucoup de verbes, par plaisir, par chagrin. J'en écris sans réserve et cela fait. Et vous êtes à nouveau de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Gomidas avec son morceau Les mots. Nous sommes déjà à près de 40 minutes d'émission. Ça va vraiment passer très très très vite. Et nous sommes toujours en compagnie dans cette émission du coup de mon co-animateur du jour, on va dire, donc de Gomidas justement, et au téléphone de Cyril Guiraudou, voilà, qui est là pour nous parler de tout ce qu'il fait, etc. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie tous les deux? Bien sûr. Très bon. Super. Avec de la bonne musique, tout va bien. Eh oui, donc justement, en parlant de musique, Gomidas, qu'est-ce que vous souhaitez raconter dans ce titre? Alors, le texte est de Maurice Arnoux, donc c'était sur les mots. Hein. C'est un poète aussi, ce monsieur, qui est très actif. D'ailleurs, il a écrit plusieurs livres. Il est actif sur Internet, je crois, etc. Maurice Arnoux, je crois que vous pouvez le trouver facilement. Il a plein de poèmes. Je me demande s'il n'en écrit pas un par jour, à peu près. D'accord. Voilà. C'était sur les, voilà, tous les aspects des mots, en fait. Hein. Alors, c'est vrai que cette chanson, comme la précédente de Michel Mauquet, ce sont des chansons quand même à texte. Hein. Mm-hmm. Ce sont des poèmes avant tout. Voilà. Et donc maintenant, je vais laisser un petit peu un petit échange entre Monsieur Guiraudou et entre Gomidas. Voilà, si vous voulez échanger tous les deux, je vous laisse la parole. Oui, moi j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, c'est merveilleux. J'ai une question comme ça à partir d'une information qui n'est peut-être pas complète. J'ai entendu dire que des gens qui auraient plusieurs maisons, ce qui arrive, des maisons qui sont en attente, qui ne servent à rien, qui sont closes, etc. Il me semble que ces personnes-là peuvent avoir des aides ou des aides pour qu'on puisse les réparer, ces maisons, et pour qu'elles soient attribuées momentanément, en tout cas à des personnes dans la nécessité d'être logées. Est-ce que c'est vrai? Comment ça se passe exactement? Oui, alors c'est vrai. Alors, pas besoin d'avoir plusieurs maisons, d'ailleurs. Hein. Il suffit d'avoir un logement en plus de sa résidence principale. Parfois, effectivement, ça peut être un héritage. Voilà. Et du coup, on peut, si on n'a pas les moyens d'entretenir... Alors, il y a deux choses, en fait. Soit ces logements sont en bon état, et on peut les mettre à disposition d'associations, ou même avec l'État, il y a un dispositif qui s'appelle Louer Solidaire, me semble-t-il, si ça n'a pas changé de nom, et qui permet en fait de conventionner. Alors l'engagement du propriétaire, c'est de louer en ne dépassant pas un certain plafond de loyer, et puis à destination de personnes qui elles-mêmes ne dépassent pas un certain plafond de revenus, hein, donc c'est une sorte de logement social. En échange, le propriétaire a des déductions fiscales. Super. Voilà, ça c'est une chose. Après, si le logement est en mauvais état, il peut y avoir effectivement des aides. Alors là, ça dépend des revenus du propriétaire. Il faut qu'il dépasse pas un certain niveau. Il peut y avoir des aides, des subventions pour les travaux. En échange, effectivement, après, d'une location, une sorte de location de logement social. Ah, super. C'est un échange. Très bien. Donc ça, effectivement, c'est intéressant pour... alors, il y a plusieurs dispositifs, hein, il faut savoir. Voilà, c'est des recherches, notamment, mais il n'y a pas mal d'associations sur un peu tout le territoire qui recherchent voilà, des logements comme ça. C'est une activité qu'on appelle de captation, c'est-à-dire ils captent des logements auprès de propriétaires pour aussi, alors ça c'est en parlant là ça me vient effectivement, c'est une autre possibilité, c'est-à-dire que c'est une association agréée qui va louer auprès d'un propriétaire, donc le locataire ça sera l'association, et ensuite l'association elle va sous-louer un public. Mais en même temps, du coup, elle va se charger de toute la gestion locative. Pour le propriétaire, voilà, il n'y a rien à faire. Il va louer à l'association et c'est l'association qui va prendre en charge la location. Donc ça aussi, c'est des dispositions qui sont aidées par l'État. Et en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, ça protège, le propriétaire se laisse conduire, quoi. Donc il est protégé par la... On fait le travail pour lui et du coup, il est assuré que tout se passe bien, quoi. Hein, c'est ça qui est... Oui, tout à fait. Très bien. Dans ce second cas-là, avec une association, effectivement, il n'a rien à faire puisque c'est l'association qui prend en charge tout. La maintenance, la gestion locative, la vie du contrat, en fait. Hein. Très bien. C'est vraiment... Et c'est une assurance aussi pour le propriétaire de percevoir son loyer. Super. Ben oui. Donc, même si c'est un loyer plus bas que ce qu'il aurait eu en louant, mettons, sur du secteur libre, mais par contre, il a une assurance jusqu'à la fin du bail de percevoir l'intégralité des loyers. Très bien. Moi, justement, voilà. En vous écoutant, j'avais une question qui m'est venue en tête. Donc, dans à l'association du coup AELH, donc on rappelle, c'est les initiales pour Agir Ensemble pour le logement en Uvaune, est-ce que c'est possible du coup que les étudiants ou étudiantes marseillais ou marseillaises viennent vous voir pour, par exemple, un logement étudiant ? Ou pas ? Alors, moi, personnellement, non. Après, on va orienter, hein, mais je veux dire, je vais pas traiter, parce que le logement étudiant, ça va être plutôt un organisme comme les CROUS, donc de l'université. Et puis il y a pour le public jeune, moi j'avoue que le public très jeune, c'est pas un public que je rencontre beaucoup, parce que il y a quand même pas mal de dispositifs qui sont ciblés sur les jeunes. Il y a notamment les missions locales, il y a donc les CROUS, il y a les points d'accueil jeunes, les CRIJ, qui veulent dire centres régionaux d'information pour la jeunesse. Enfin voilà. Donc il y a quand même beaucoup d'espaces ressources à ce niveau-là, et je pense que voilà, je vais plutôt orienter, parce qu'en plus nous on n'a pas d'accès particulier à des logements. D'accord. Du coup, quand c'est juste accéder à un logement, par exemple pour un jeune, voilà, je vais réorienter. Moi, j'interviendrai plutôt s'il y a un conflit ou une procédure d'expulsion ou un conflit avec le bailleur, si le jeune, par exemple, est locataire et qu'il a un problème dans son logement, pour faire des travaux, par exemple, parce qu'il n'est pas aux normes, etc. Là, oui. Et si c'est juste pour accéder à un logement étudiant, je vais le réorienter vers les organismes ad hoc. D'accord. Et une question peut-être un petit peu... Enfin, je ne sais pas, moi, je pose des questions que peut-être nos auditrices ou auditeurs se posent également. Est-ce que c'est possible, par exemple, que vous, Cyril, ou même que l'AELH, aille pour défendre ceux qui viennent les voir pour de l'aide, qu'ils aillent carrément devant des tribunaux pour les aider ou pas ? Alors... Oui, nous n'y allons pas en notre nom, hein, parce que l'action en justice, c'est toujours au nom de la personne. Mais oui, bien sûr, c'est un des points fondamentaux de notre intervention, c'est vraiment l'accès au droit, notamment l'accès à la justice. Donc pour cela, nous travaillons aussi avec un réseau d'avocats. D'accord. Qui acceptent de travailler dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Donc l'aide juridictionnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est une aide de l'État pour prendre en charge les honoraires d'avocats. Parce que effectivement, l'essentiel du public que je rencontre, effectivement, est un public en situation de précarité, avec des revenus faibles. Mmh. Et donc souvent, l'accès à un avocat, financièrement, c'est pas possible. Donc il y a ce dispositif, l'aide juridictionnelle, qui permet, en fonction des revenus, à l'État de prendre en charge les frais d'avocat. Mais c'est assez contraignant et tous les avocats n'acceptent pas de travailler dans ce cadre-là. Donc nous, déjà, on travaille avec un certain nombre d'avocats qui acceptent, on constitue les dossiers pour demander l'aide juridictionnelle, et ensuite on sert de lien avec l'avocat, voilà, entre la personne et l'avocat, pour faciliter un petit peu le travail de tout le monde. Et voilà, pour accéder aux tribunaux. Alors, soit parce que la personne est déjà assignée par son propriétaire, par exemple, ou soit, au contraire, pour assigner le propriétaire, notamment dans le cadre d'insalubrité ou de non-décence du logement, nous sommes amenés parfois voilà, à assigner le propriétaire devant le juge pour le forcer à faire les travaux nécessaires. D'accord. Et donc, du coup, là, je suis en même temps sur le site internet de l'AELH. Donc, l'association donc, Agir Ensemble pour le logement en Uvonne, ou AELH, a été créée en 1995. Donc, est-ce que vous étiez déjà là à sa création? Est-ce que vous avez peut-être participé à la création de l'association? Pas du tout. Non. En 95, j'étais encore à Montpellier. D'accord. je travaillais à la CLCV à Montpellier. Non, j'ai rejoint AELH en 2011. D'accord. D'accord. Et donc, du coup, l'AELH est soutenue par au moins trois associations différentes, donc le Centre social de la Rouguière, le Emmaüs Saint-Marcel, ainsi que la Maison des familles et des associations de la Val-Barel. Voilà. Donc, du coup, comment se sont passés ces, je sais pas, c'est des partenariats peut-être. Donc, comment ça s'est mis en place pour être, du coup, soutenu par ces trois associations différentes? En fait, c'est une initiative de ces trois organismes, en fait. D'accord. C'est-à-dire, c'est presque plus qu'un soutien, hein. C'est-à-dire, ils sont à l'initiative de la création. D'accord. De l'association. Donc, en fait, ce sont des acteurs qui œuvrent sur un même territoire et qui, à un moment, donc en 95, se sont dit, la problématique du logement devient de plus en plus prégnante. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on va essayer de monter une association et de recevoir les personnes et de réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire. Donc c'est un peu l'initiative. Et en 95, ben, du coup, l'association n'était composée que de bénévoles. Mmh. Et puis voilà, au fur et à mesure. L'association s'est un peu professionnalisée pour répondre aux besoins, en fait, hein, parce que les besoins ont été exponentiels depuis plus de 25 ans. D'accord. Donc nous sommes déjà à près de 50 minutes d'émission, c'est vraiment passé très rapidement, donc on arrive déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de continuer encore un tout petit peu pendant quelques minutes, je vous propose de nous lancer directement dans une troisième et dernière fréquence musicale, dans un troisième et dernier morceau de vos morceaux, Gomidas, et que nous écoutions du coup La Pluie. Donc cette fois-ci, est-ce que vous avez fait les paroles et la musique, oui. Ou est-ce que donc vous avez tout fait? Oui, oui, c'est un hommage à la pluie, comme on peut avoir au soleil, mis aussi un hommage au soleil. D'accord. Chanson napolitaine, donc du coup là c'est un hommage à la pluie parce qu'il y a du charme aussi dans la pluie. Ok, donc du coup on écoute La Pluie, c'est un morceau assez court, il fait même pas 2 minutes. Mmh. Donc on écoute ce morceau, après on continue pendant encore quelques minutes et ça sera déjà après l'heure de se quitter. Donc on écoute ce morceau, donc La Pluie version guitare de Gomidas, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. La nuit dans mon ciel, et je l'entends qui claque ma petite pluie dans les flaques, régulière comme une horloge, elle se débat dans mes sons, elle tournoie dans l'espace, elle descend puis trépasse, s'écrase sur le pavé comme des rêves passés. Lente câline, la pluie tire ses lignes en tombant s'éparpillent et les routes pointillent. C'est la pluie qui résonne bien pour les vieilles personnes, assourdissant le passant, elle le rend pas très content. chagrine les gens qui font la mine, bien qu'étant magnifique et aussi nostalgique. Je sais bien que dans la vie il y a du soleil, de la pluie. Certains préfèrent le soleil, mais moi la pluie dans mon ciel. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Gomidas avec son morceau intitulé La pluie. Vous nous écoutez du coup toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio ou encore sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France et dans certains pays frontaliers, oui, et même au Québec. C'est pour dire, malgré le décalage horaire, grâce justement à cette application, etc., etc. Et donc nous sommes encore en compagnie pendant encore quelques minutes de Gomidas, mon co-animateur du jour, ainsi que au téléphone de notre invité, donc Cyril, du Cyril Giraudoux. Voilà, j'avais un trou de mémoire. Voilà, donc tout va toujours bien. Oui, très bien. Super. Et donc, du coup, comme vous l'avez dit, Gomidas, est-ce que du coup, cette chanson, du coup, c'est un hommage que vous faites à la pluie? Oui. Car oui, oui. Ça a une certaine poésie, du coup, la pluie. Oui, bah, oui, il y a du charme dans la pluie, bien sûr. Oui, ça fait pousser les cheveux aussi. Non, mais c'est, voilà, il y a des, je pense que toutes les saisons ont leur charme, la preuve, hein, je suis venu de Marseille c'était merveilleux, mm-hmm. Ici c'est très charmant aussi, il y a des beaux couchers de soleil, le froid est charmant, les collines, le soleil avec le froid, la pluie, la grêle, etc. Quand ça fait pas, voilà, quand c'est pas excessif, c'est merveilleux. Bien sûr, et puis même en Haute-Saône aussi, vous avez dit, vous venez de Haute-Saône? Oui, moi en fait j'habite en Haute-Saône, oui. Voilà, c'est Luxeuil-les-Bains en ce moment, oui. Ah, Luxeuil-les-Bains, c'est aussi joli du côté-là, de ce côté, j'ai déjà eu l'occasion d'y aller. Donc justement, est-ce que Cyril, vous avez déjà eu l'occasion d'aller du côté de la Haute-Saône? La Haute-Saône, non, je crois pas. Non, d'accord. Non, moi c'est vraiment, quand je suis monté, alors je dis monté, hein, bon, mais c'est aller dans les Vosges. Oui. C'était vraiment, oui, dans les Vosges, autour de... Alors, on a pas mal bougé, hein, mais c'était, voilà, autour de Saulxures-sur-Moselotte, entre, je me rappelle, le Tillot, Saint-Étienne-les-Remiremont, Gérardmer, bien sûr. La Bresse, voilà, tout ce qu'on a, un peu, quelques incursions en Alsace, mais voilà, le Ventron, le Ballon, tout ça. Eh oui, c'est aussi des jolis coins, mais si jamais un jour vous... Si jamais vous remontez du côté du Grand Est ou de l'Est, du Nord-Est des Vosges, pourquoi pas aller faire un tour en Haute-Saône? C'est vrai que c'est joli, c'est un joli décor, il y a beaucoup de champs, de prairies, donc voilà, c'est un joli coin à voir. Voilà. Moi, j'irai avec plaisir. Voilà, donc comme vous l'avez dit, Cyril, du côté de AELH, il y a du coup des salariés, donc vous pouvez nous rappeler combien de salariés vous êtes? 5. 5 salariés, et puis il y a également des bénévoles, donc combien de bénévoles? Exactement, c'est difficile parce qu'on n'est pas, mais une dizaine. Une dizaine de bénévoles, d'accord. Et donc, si jamais nos auditrices ou auditeurs veulent du coup adhérer, ils veulent rejoindre AELH, est-ce qu'ils peuvent la rejoindre à distance ou est-ce qu'ils sont obligés de descendre du côté de Marseille? Alors, c'est vrai que la question s'est jamais posée. J'avoue que je ne sais pas vous répondre parce que c'est vrai que ça, on est une association très locale. D'accord. C'est la première fois, je crois, que je participe à une mission hors. De mes bases, on va dire. Du coup, la question s'est jamais posée. Mais je pense que c'est tout à fait possible à distance. Hein. Mm-hmm. Le site, je vais m'excuser, mais qui n'est pas très à jour. Hein. Ça fait un moment qu'on s'en est plus occupé, donc il est un peu laissé, mais les coordonnées sont toujours valables. Donc, à la limite, ce que je peux conseiller, c'est parmi les auditeurs, des personnes sont intéressées, le mieux c'est de téléphoner. Prendre contact directement Bah justement, on l'indiquera. Vous pouvez peut-être du coup donner les différents contacts, numéro de téléphone, adresse mail. Oui, alors le numéro de téléphone c'est le 04 91 44 03 24. Voilà, et l'adresse mail. Le numéro du standard, et l'adresse mail c'est aelh@libertysurf.fr. Alors, Libertysurf, c'est LIBERTYSURF faire. Voilà. De toute façon, je mettrai tous les liens utiles, toutes les informations utiles en podcast de cette émission, si jamais nos auditrices ou auditeurs veulent vous contacter pour en savoir davantage, se renseigner. Voilà, donc nous arrivons bientôt du coup à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à notre invité Gomidas ou pas forcément? Je crois qu'on a bien développé. Merci, merci beaucoup. C'était... Avec plaisir. Justement, donc je pose la question à Cyril. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, mais que ce qui, selon vous, mériterait d'être abordé, pardon? Non, il y a toujours tellement de choses à dire. Bien sûr. Il faudrait un temps tout à fait extensible, mais je crois qu'on a, balayé pas mal de choses. Moi, j'ai l'impression d'avoir... j'espère que j'ai pas été trop bavard. Surtout. Ah non, très bien. Mais... Non, non, je pense que là, l'essentiel a été dit. Parfait. Et donc, est-ce que vous avez, Gomidas et du coup, Cyril, un dernier mot avant qu'on se quitte? À part se dire, vous dire merci à tous les deux. Et voilà, et c'est merveilleux de voir les liens qu'il y a entre le sud et l'est et le nord, enfin, toutes les parties de la France. Et finalement, il y a eu des migrations comme ça. Moi, je rencontre beaucoup de personnes que quand les gens de Marseille ont su que j'habitais dans l'est, beaucoup m'ont dit, tiens, moi, j'ai fait mon enfance à Saint-Loup-sur-Semouse. Moi, j'ai vécu mon enfance à Luxeuil-les-Bains parce que mon papa était militaire, etc. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment des lieux très vivants. Voilà. Donc, voilà. Parfait, du coup. Et donc, est-ce que vous avez peut-être un dernier mot, Cyril? Écoutez, oui, moi, ça m'a fait plaisir, en tout cas, d'intervenir, et je pense que ça m'a donné envie de remonter, faire un tour dans les Vosges. Avec plaisir. Ça fait longtemps, comme on l'a dit tout à l'heure, et là, du coup, je me dis, tiens, je referais bien un petit tour, quand même, c'était bien, bien joli. Avec plaisir, donc en Haute-Saône, du coup, pour aller voir Gomidas, ou pourquoi pas venir nous rendre visite à la radio à Saint-Étienne. Voilà, je ferai un petit crochet par la Haute-Saône, bien sûr. Parfait. Donc voilà, donc c'est ainsi que se termine du coup cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de vous remercier, Gomidas, d'avoir été mon co-animateur du jour. Merci. Et du coup, Cyril, d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi, à 18h, avec le podcast de cette émission, posté sur notre page Facebook et sur notre site internet. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail. Gomidas pourra ensuite la transmettre à Cyril. Voilà. Si vous voulez la partager, la récupérer, etc. etc. Ensuite, donc du coup, nous concernant, on se retrouve demain, mercredi à 14h, toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont Vanina Krek, artiste anthropologue, qui sera là pour nous parler de tout ça, de ce qu'elle fait, de sa carrière, etc., etc. Et bien sûr, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guimauzo, ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. D'ailleurs, Cyril, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après, hors antenne. Voilà. Donc, en attendant, nous, on vous souhaite une bonne suite d'après-midi, et je vous dis à demain, du coup. Donc, salut, et à demain. Merci beaucoup, au revoir. À demain.